nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour Hent ar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gerriou ar Vuhez. On est rendu à l'émission 426, Perran c'hwer a Daugen. Perran c'hwer Warnugen. Warnugen, pardon. Tu prends de l'avance, là. Voilà. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, on va donner dans l'odeur. Uh-huh. Oui, alors l'odeur, le mot le plus répandu, c'est Hwez. Hwez, c'est un mot masculin. Alors c'est un mot un peu curieux parce que c'est un mot masculin, mais c'est un mot d'origine celtique hein, qu'on trouve aussi en gallois et pratiquement sous la même forme. Et c'est un mot masculin qui provoque des mutations comme s'il était féminin. Par exemple, on va dire Hwezvat, hein, Hwezfal, une mauvaise odeur, et Hwezvat, bonne odeur. Hein. Donc comme c'est indivisible, on l'emploie souvent sans l'article. Hein, donc pour une bonne odeur, on va dire Hwezvat, hein, Hwezvat zo banti. Hein. Mm-hmm. Il y a une bonne odeur dans la maison. Alors on trouve ça souvent hein, dans les histoires, dans la conversation courante, dans les chansons aussi. Par exemple dans Kuss Breizisel, une chanson qu'on chantait autrefois dans les mariages. Il n'y avait pas un mariage où il n'y avait pas quelqu'un qui chantait ça. Kuss Breizisel, hein, une chanson qui a été faite par un abbé qui s'appelait Maréchal. Et le deuxième couplet c'est Hwez va donner de blin, hagel en a la ouret, war ur mes youg en eglise non zoret. Donc la bonne odeur du blé en fleur hein, et de l'ajon doré sur la campagne court avec la rosée du soir. Très poétique. Ouais, c'est très joli. Hein, ouais. Et c'est un couplet qui est souvent, dans les versions abrégées, qui est souvent supprimé. Alors que pour moi, c'est le plus beau dans la chanson. Voilà, Hwezvad, né de blin. Donc Hwezvad, hein, très courant. Le contraire, c'est Hwezfal, bien sûr. Hein. Et alors, il y a plein d'expressions avec Hwez hein, pour décrire les odeurs. Hein. Hwezfal, Hwezendjoul, l'odeur du diable, hein, pour dire vraiment une très mauvaise odeur. Hwezehos, hein, l'odeur de vieilli, quoi, hein, de renfermé. Hein. Hwezelud, l'odeur de moisi. Hein. Bon, il y en a plein. Alors pour odorer, hein, alors donner une odeur, on dit telhwez, hein, jeter de l'odeur. Hein. C'est assez imagé. Alors il y a aussi un diminutif, ou un singulatif, hwezen, hein, donc qui veut dire justement une senteur, une odeur vagabonde, un peu comme ça. Hwezena, c'est un mot féminin. Alors, il y a beaucoup de dérivés. Hwestat. Hwestat, c'est flairer, hein, comme un chien, par exemple, hein, qui est en train de chercher un gibier quelconque, ou même, ils sont tout le temps en train de renifler comme ça, quoi. Hein. Voilà, de flairer, hein. Oui, on dira Hwestadrahi, hein, le chien flaire. Alors, justement, puisqu'on dit flaire, le mot existe aussi en breton, mais dans un autre sens, flair, donc F-L-A-E-R, qui veut dire la puanteur. Hein. Et là aussi, on dit teul flair, hein, libéré de la puanteur. Hein. Voilà. Alors, c'est un mot qui est d'origine latine, hein, qui vient du latin par le bas latin, le vieux français, et le vieux français par la suite. Et justement, qui a changé de sens, puisque fragare en latin, c'est sentir bon au contraire. Donc, et ça a donné, par exemple, le mot français flairer, hein, le verbe français. Alors, flair en breton, c'est la puanteur. Hein. Par exemple, alors ça a donné aussi l'adjectif flairieuse, hein, qui sent mauvais. Par exemple, une autre chanson qui était très connue, naguère, qui est la chanson du chiffonnier. Marie von Ixodimes, Gander flairieuse pioer. Le coffre des augandes, des humains en tout le l'air. Donc ça, c'est une chanson qui a été écrite par l'abbé Baudeur. Les prêtres écrivaient beaucoup de chansons. Qui était recteur de Loc et Fret en 1870. Et qui est très très connu, Pioer. Donc Flairius Pioer, un chiffonnier puant. Et il dit beaucoup de mal dans sa chanson des chiffonniers. Les chiffonniers étaient souvent mal vus par l'Église parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils travaillaient le dimanche. Souvent, ils travaillaient le dimanche parce que ils faisaient leur collecte de chiffon quand les gens étaient à la maison. Mmh. Et en plus, bon, ils avaient tendance à être jureurs, paillards, un peu buveurs, enfin, à ne pas respecter les commandements de l'Église. Voilà. Alors, d'autres dérivés de flair, flairiaden, infection, flairiaden, c'est vraiment une infection, quoi. Hein. Et il y a flairiadur aussi, hein, qui a le même sens. Voilà, le verbe flairiant, puer, hein. Et puis d'autres composés, quoi. Il y en a pas mal. Alors, il y a une plante aussi, à qui on attribue une mauvaise odeur, mal flair, qui est la scrofulaire noueuse. Scrofularia nodorum. Qui est une plante qu'on trouve dans les fossés par ici, qui est une plante médicinale, qu'on appelle ici la Lusawenzankado. Je sais pas si c'est à cause du lore. Et alors, un dernier mot concernant les odeurs, un dernier mot pour aujourd'hui. Fronde, hein, qu'on trouve sous la forme F-R-O-N-T ou F-R-O-N-D. Moi, je préfère la forme avec un D parce que les dérivés prennent le D, par exemple. Frondus, hein, ou Frondus donne qui a une bonne odeur, qui est parfumée, quoi. Fronde, donc... alors, fronde, ça vient de l'ancien français. Fronde, qui voulait dire une feuille. On trouve ça dans les frondaisons, par exemple. Ah oui. Mmh. Et pour les fougères, on a gardé le terme fronde pour les feuilles, quoi. Donc, fronde, le parfum. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une émission de Christine Dubois, là, qui parlait, justement, des parfums des différentes plantes du jardin. Et bien là-dessus, on va s'arrêter sur cette bonne odeur, Warer Frond. Et on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg Tamm a Tamm. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg Tamm a Tamm. Oui, alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu. Bon, dans l'émission 409, on a parlé du mot pevarzeg, hein, donc l'adjectif numérique cardinal, hein, qui correspond à 14 en français. Et j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus, puisqu'on est dans l'année 2014, et donc qu'on va commémorer le centième anniversaire du début de la guerre 14. La grande guerre, comme on disait autrefois. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en ce moment sur la guerre 14. Il y a une exposition à Locarn, à la Maison du Patrimoine, jusqu'au 15 juin. Peut-être qu'elle sera prolongée, parce que 15 juin, ça va venir vite. Il y a aussi une exposition au musée de la Résistance à Saint-Connan. Et bon, il y a pas mal d'événements, quoi. Et donc, je pense que c'est intéressant d'en parler un petit peu. Donc, on en parlera de temps en temps comme ça pendant l'année, cette année 14. Alors là, ma génération est une génération qui n'a pas connu évidemment la guerre 14. C'était la génération de mon grand-père. Mon grand-père avait 27 ans au début de la guerre. Mmh. Et il a fait la guerre 14, bien entendu, comme tous ceux de son époque, de son âge. Et si bien que quand j'étais jeune, j'ai souvent entendu parler de la guerre 14. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait encore beaucoup d'anciens combattants de la guerre 14. Et donc, il y avait le repas des anciens combattants le 11 novembre, tout ça. On entendait souvent parler de cette guerre. Et il y avait beaucoup de chansons qui ont été faites sur la guerre 14. Je me souviens, il y avait Ernst May Peneg ici qui chantait « Ils trente variabulat », une chanson sur la guerre 14. « Ils trente variabulat, aurait été possoute, vide mahaline disclérion, heure malheur, peine de ben », l'histoire d'un soldat, qui s'appelait Le Brice d'ailleurs, qui était allé à la guerre. Il y a eu beaucoup de chansons qui ont été écrites là-dessus. Alors aujourd'hui, bien sûr, la chose est moins présente, puisque bon, il n'y a plus d'anciens combattants de 14, Mais bon, il y a encore énormément de traces de tout ça, et je pense que c'est intéressant de justement ce qui est fait en ce moment dans ces expositions de garder cette mémoire pour à la fois rendre hommage et puis essayer de comprendre les causes qui ont pu conduire, parce qu'il y a très peu d'analyses. En fait, il y a beaucoup de descriptions, mais il y a très peu d'analyses sur les causes. C'est-à-dire, en fait, cette rivalité entre des États-nations qui ont empêché que l'Europe puisse se construire. Et je dirais même aujourd'hui, on voit dans l'actualité, qui empêche encore aujourd'hui l'Europe de se construire. Donc c'est important que les gens comprennent un peu que ces États-nations-là, justement, qui étaient tous aussi nationalistes les uns que les autres, ont empêché l'émergence d'une Europe unie déjà il y a 100 ans. Et qu'aujourd'hui, 100 ans plus tard, on se retrouve... Finalement, dans une situation qui est assez comparable, toute chose étant égale par ailleurs. Bien sûr, on n'est plus en 1914, mais enfin, on retrouve encore beaucoup de choses qui étaient dans l'Europe d'avant la guerre 14. Alors, je parlais des expositions comme celle de Locarne et celle de Saint-Connan qui concernent les artistes dans la Grande Guerre. Je l'ai pas vu encore, mais je pense que je vais y aller bientôt. Et que c'est très intéressant. Et il y a également un livre de Roger Lowenand. Roger Lowenand, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la guerre 14, et dont j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps, qui a fait un livre sur l'utilisation des gaz et des gaz asphyxiants et dans les Bretons dans cette affaire-là, qui ont été victimes de ces gaz. Et je sais qu'il est en train d'écrire un livre sur les soldats qui ont été fusillés pour l'exemple aussi, comme François Laurent, par exemple, à Melionnec, on en a déjà parlé, Voilà. Alors, il y a une histoire que je dirais, une histoire officielle de la guerre 14, mais je pense qu'il faut essayer d'analyser mieux les causes. Il y a un excellent ouvrage, je ne sais pas s'il est encore disponible, sur la préparation de la guerre 14, qui est « Tu seras soldat » par Anna et Michel Soyer, qui a été publié par le musée de Beauharnais, et qui est excellent là-dessus, C'est pratiquement un des seuls ouvrages où j'ai trouvé une analyse de cette préparation de la guerre. Comment on arrive à la guerre, Comment, à partir de la guerre de 1870, comment on arrive à celle de 1914? Et comment on a préparé les gens, les esprits? Je crois que c'est très important, surtout à la période actuelle, de se remémorer ça. Et puis, bon, on pourrait parler des pacifistes aussi. Il y en avait extrêmement peu dans les hommes politiques de l'époque. Il y avait en particulier Jean Jaurès, qui a été assassiné 2 jours avant la déclaration de la guerre 14. Donc voilà quelques petits mots sur Urblap et Varzeg. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, vers le mois d'août, puisque à ce moment-là, on sera au 100e anniversaire de l'entrée dans le conflit. C'est du mat vihudu. Merci Henri, on passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonevervro. Musique. Petra zonevez ar vro eri. Ben Petra zonevez ar vro kalz e draou evel juez boer vej di ouzan. Grogom diantan evel kustum, gant eo bourdouar hag e vue war ar mez. Ayon bremañ ba kreiz, pas ba kreiz nan, me ba kreiz neveant. Hag bon glas e'n traou, boutora en trevadou, ba parkeia, hag un amzor zo mod betank bremañ. Comme ça, mon temps n'a rien de ce labour d'ouar. Beta vraiment, ou astert qu'as produit ou de brochine, produit ou de sbraise, en moins de brochine, t'as square qui mort pe qui dire. Hag, tant ma temps, vraiment, ve le ce que d'un trou de von noir rose, t'as square vide hic, produit et de gandar hopper, zo moyen de gaz vraiment de brochine. Zuroir, tant ma temps, vous les donnez de marazé. A zezo un travad e vel juz vid labour d'ou ar breiz. Peven komz deus kigmor, bon, an avenmad e stal enaf, stal enaf zo ba pouldreuzik, ba bro vigounet, hag zo kaz ledan ad ar marad war bro Japon, hag ba bro Amerika, hag gwell meus mamez vo gred bouet vid gosmonot de gant enaf prestik. Hag kalz brodiñ ouve lanz de mar emañ gant ur stal enaf, da skouer ve gwed pat e gant ba bouezio ru, hag zo kreñor an tamm vid pat e ve gred ba bouezio glas. Gwell vo pe sa mod vo kont, meus ket betañ ar vroaz met jonjon d'ober prestik. War dach en alar bourdou ar vroaz edi war draou mar ad un traktor yo. Peudur très warland et à blanc et Edward Rock de Dragon Dragon. Da square ba stal classe zo ba tostorman. Ze nupter tracteur yo avec red BMD. Wardro hunter contractor avec red hein BMD ba classe. Ag roj j'ai red dek pe des quatre gena. Bon je roi hat krog or mahan mais divider mari. Or mahan dik gwalvat. Comme ça on tombe vraiment de ce nendro. Qu'est-ce qu'il y a, il y a plus dur ou à l'air, là, pour douar, à l'île, mais comme de ce nendro. Qu'est-ce qu'il y a vraiment, un trident de produits de Brace? Dermat, de l'art, avec le produit de calze trident de Brace, de impligent mur vivé, pelle mur vivé impligent, mais tant ma, de produit, mais tant ma tombe me sera un trouaro. Plus dur, vraiment, ve produit de Brace, d'autres dragons, de un trident, ve impliget. Hag un nantor de un trident, ze produit de Brace, ve produit gant un avel. Plus dur, zo gala, qu'un milin ou avel, on tombe pebler, d'or trident. Hag, a ce zo place, vide, de les dents d'un tro, ouas, plus dur, n'est que d'un avel, le vang Brace, un gwel même zé blanc, hag, bon, zo place, de la quatre trident, bon, pe vo gred, milin o avel, ba plegmour zan brie, vo produit de kalz muur. Bon. Vision montant war an endro, ar, kalz e lever yo ve produit, dame, ve moule, dame, war ze, pe dure vreton, zo di denet, gant an endro. Da skouer, zo gred, an lever ne veso, war an nado ziwer, an emprevant, ve lard, un gal hag libellule, hag un du de skian de l'ard odonat hag zo wardro hanter kan wen de ze lon et se hanter kan sort de ze lon et se ba braizan hag n'en gred o lever bra warze war un adoz yo eir hag labour zo bekas o arog gant le strolat viv ar mor nature hag peont komz de ze lever yo war nature zo beskrivet o nel zo beskrivet gant Pierre Felipo, on den zo ampart war dachen ur stereo hag ur pesket. Ha hez neus gret deja, hez so an an deus ur reno a krouet de strolad o e rivière de Bretagne, pemp a doig un lasso, dour a stereo breiz, hag neus skrivet deja eiz lever war an dachen ze. Hag bremañ neus gret o lever war nioget, hein. Pez velard saumon in galag, hein. Hag lever zo raunet, le saumon en Bretagne, des siècles d'histoire et de passion. Hag imban ne dé gant ze skol vreiz, à Custora, Trioro, à Trégonde. Bon, comme ça m'entend, moi, à d'art et des heures politiques, Végel, moi, comme ça, des affaires rendez-vous, hein, moi, Rouen, me jonge, voir, mot de Zuroir, vos grès de, vos rats de Trorre, de, à rats d'Ivorme de, rendez-vous, puis dur, Gouelloir, à Rome, Nakenen Trou, à Rentumod, hein, NDL, ou à Bédonem, vaut, bah, bro, Liger, Velvelard, de Pays de la Loire, à Gundileni, d'Inoilar, à Nehoulan, que de, fait Béthène de, Liger Atlante, de ce bro, Liger, à Gueur, mais, Aigne du, Vibustog, tout, de ce Braise, mais tant moins de vie longue qu'au Braise, j'ai un tort, hein. À Gueur, bonne, avec comme ce calce de C, bonne, Zouédois, ronde, grande politique, courrienne, plus dur, rang, tresse de, n'en que comprenne, roi, Pétre Vaugrette, ma treizaine, jonge, en, bonne, et red gottas, mais, ben, ma vie gottas, vous, gouelet, à gouel, val, zoua. Bon, non que de gomps de ze votade, go vid bro, Europa, ma treizaine, ben, vegel, vous, l'art d'un tram, tra, ben, ek, di, war, benzi. Pis, sozur, ne crédant que de vos gualvard, d'un trou. Bon, dans vraiment, en temps, voir, d'achen, leur, sévénadur. Bon, pis, poésie centrale, zo, war, d'achen, sévénadur, hein, et vel, juste, dire, redad, hein. Redadeg, zo, on te lance en deux montours, le zdon de Bétagron, well, quand on a 1050 kilomètres. À 15 kilomètres, on a zo bé de Gwerz, hein. À que, bon, j'en j'alran, vo, on drava de vide, vide redadeg, à vo 15 dude, au heuil. À que, blanc, mais vide on est, on drava, plus dur, redag de Dremen, Drebour Purut. Pis, nusque bégouel, roas. Très mal sur Redadeg ou Babour Purune, mais pas à Redadeg. Ag, bon, jongement, ma, vos grès d'on prend benek des vides d'Igemer en dude Babour Purune. Bon, très mal raïve et bas en igoud, hein, très mal raba très mal, hein, bon. On drava de ma très vide en, vide en vro. Bon. Vichon montant, moi, d'ach, en les événadur, Urgelo, en Armen, en les, imbane, di, niver, en Dohan. Ag, dohan hiver, an zira ober an trou, a riz neus bet de, d'astum kalz drou, hein. Ag o labour dispar, e pez o begret gant ar men, hein, bevel lar an mat. Wardach en zon erez, vraiment, ur strolad, bodad de gezon erien, ne jonge de change, change raun, ag bromen volar de zon erion, beraber. Zon erion velar, an pignore, bro, Velvelam, bah, brogon, il est là. Son derrière, bon, ber à ber. D'affaisé, chambre, beau d'agas, son derrière, mais, vide, l'art d'un dude, bon, vide, dis qu'il n'en trouve, vaut l'art de son derrière. Bon, puis on compte de son derrière, justement, bah, blada où il roi, ou est un en angle, youen, guernic, pot de scare, ag, ou à, bars à Candre. Ag vraiment strola de la grande tribu de la radé mère de Yuen Guernig ag ne ben vidionnet un jonge de rad radim ban en temps peso begret grand temps quand de nor modèle ag ne grand de blad en jantan et hundred pedaden a un jonge de der en autre diwar quand de wenu Yuen Guernig a dire man mais plus jeune de clé de Yuen Guernig hein, gars. Hes ne scri, hes ne scrou en mode de gand, au grand startigen, hag, hag or voez, evel just, hein, zo dispar, quoi. Bon, pe, wen hont de l'arad, wen hont de gombs de ze, Roger la wenand, pu dur, ba blanc me vo gombs de calz de ze brezel persek, ag vos grès trou en dro de zi, puis dur quand l'asso ou abe de krog de brezel spontus, ag a mazo un den an eus labour de war zi, et Roger Laouenand, ag an eus skrive déjà les verres de war zi, an e vesso neus grès au lever war vreton eus obe de target gant en ezen, gaz ma peçoan, ag ma trezen peus be klev nan war genou RKB gant Jean-Pierre Guyada. hag bon, au labour dispar ve gren gant Jules Gouich gant Roger Laouenand. Hag war stern deus meus kleven deus o leverel roaz war, war arre zo be fuzul da gant Francis na bon fusillé pour l'exemple vel vigelar da de Houls hag bon bon braoui gwell an den vel Roger Laouenand der an labour war an dachen ze hag e bon ne ket a-i koz roaz me a-i eperu gant la même estra bon pechon in oa dach en eus evenad oaz, mirdi ur fawet en eus lid di gant la, mirdi ur fawet oa be krouet gant mer ur fawet de houlse, gant la so, hag bon e deut de voud ur mirdi plus justre, hag bon kalz diz kwezadego ve gret gantan, gant mirdi ze. Bon, edel, bon, o bern traouz o bavro, oa, war se, war un diskouezad eg zo war un arzour yon ba brezel pe varz eg juz mat, bezant konan, o un diskouezad eg el zo ba, ba lokarn, war, war brezel perzeg, hein, ive, hag bon, trog vef ebet de l'ar adroaz war zon erez, me, leuske de vos evit ar vegen. Regarde, Eric. Bien, tiens à vous. Tiens à vous.